Gaëtier, Théodore Huchet et Kojou Yamamura. Merci à tous de vous. Merci beaucoup et bien sûr, indispensable, Ilana Nguyen, pour la traduction de Kojou Yamamura. Merci à tous les trois d'être présents, bien évidemment. Vous connaissez, a priori, si vous êtes dans mon animation, un peu plus Kojou Yamamura et Théodore Huchet, hein, qui on va parler un petit peu, évidemment, de leur travail, qui, évidemment, Kojou Yamamura a plus connu pour, enfin, a été, en tout cas, reconnu un peu plus en Occident avec Le Mon Chef. Ce sont les plus fameux, les plus célèbres, évidemment, mais Les Corps de Newbridge et aujourd'hui Parade de Satie ont évidemment parfait c'est pour l'instant cette filmographie. Théodore Huchet, c'est pareil, même s'il avait fait d'autres choses avant, comme Drux Lux, les journaux Deep Set ont un peu plus, un peu plus connaître. A priori, si vous venez régulièrement au 3A, il vient à peu près une fois tous les ans. Donc normalement, vous devez absolument, en tout cas j'espère, connaître un peu son travail. Donc on va s'arrêter juste deux minutes avant sur Jean-Baptiste Pelletier, qu'a priori vous connaissez peut-être un tout petit peu moins, pour l'instant. Jean-Baptiste, qui a fait, on l'a rencontré, un DMA à l'ESAT, à Roubaix, et ensuite il est parti à l'ENSAD. Et Toileson, on l'a vu, là, il est très évocateur évidemment dans ce film, et quelque chose qui est, sur lequel tu travailles beaucoup. Est-ce que tu peux nous en parler un tout petit peu? Si j'avais envie, je pourrais juste, mais c'est pas très bien, parce qu'on va juste passer un tout petit bout. Voilà, c'est par exemple le travail de... Ça peut être ça aussi. On va pas regarder en entier, hein, mais qui est... c'est une qui s'appelle Tokyo Time Stand. Ou... C'est un travail, toi tu commences, je pense que tu travailles souvent la musique même avant l'image, c'est quelque chose qui est vraiment relié dès le départ. Ça dépend des projets en fait. Par exemple, Tokyo Time Stand, c'est une musique qui n'est pas de moi. Mais sur mon projet de fin d'études qu'on a vu avant, le premier qui est un chabot, j'ai effectivement travaillé le son avant l'image. En fait, il y a une progression logique qui fait que j'ai travaillé le son avant l'image parce que c'est basé sur des souvenirs d'un lieu et les enregistrements ont été faits, pas par moi mais par quelqu'un d'autre, sur le lieu. Et ensuite, moi, d'après mes souvenirs, je reconstruis le son. Voilà, étape par étape, et j'ai fait mon montage son avant de faire mon image. Donc, toi, t'étais pas, l'enregistrement a été fait, après, t'étais pas sur place. Quelqu'un d'autre, c'est ça qui l'a envoyé? Oui, voilà, parce que en fait, j'ai commandé une banque de sons très guillemets du lieu parce que c'est un travail sur le souvenir et donc je ne voulais pas réactualiser le lieu dans ma mémoire, je voulais juste des traces du lieu qui passent par le son. Moi, je Théodore, toi, pour tes journaux de 17 qui on va partir de ça et puis évidemment, on va venir jusqu'au dernier. Comment tu travailles aussi le son de Jean-Louis Dipset, hein, je vous rappelle, c'est bien sûr, il y a à la fois une voix très forte qui raconte, hein, celle de Xavier Dolan que tu avais eue, plus une musique aussi évidemment très, très importante. Comment tu travailles, on parlait tout à l'heure, c'est un réalisateur, prennent juste les 15 derniers jours pour faire le son. Toi, j'ai l'impression que le son et la musique viennent très tôt dans dans l'acte de création. Exactement. En fait, quand j'ai créé une animatique, parce que dans ce cas-là, j'ai créé une animatique, c'est souvent que je commence avec un film, avec le son déjà, avec une musique dans la tête. Mais dans le cas avec Journaux de Lucette, j'ai une animatique très précise, avec tout le son, avec presque toutes les musiques, où en moyenne, il y avait quelques morceaux de musique qui ont changé au bout de temps. Mais au début, j'étais tous préparé avec le timing, avec les sortes de son que je voulais. Donc tout était là déjà. Après ça, le moteur de son de Olivier Calvert, avec qui je travaille, il remplace juste avec son façon. Bien sûr, il y a toujours des ajouts. Dans le moment, dans ce cas précis, c'était Xavier Dolan qui ajoutait des éléments très, très, très importants dans le jeu. Quand il a joué, quand il fait la narration, il a eu l'idée de cette. Quand il se parle à lui-même, de faire l'échange avec lui-même, et ça marchait très bien. C'est lui qui a eu cette idée-là qui t'a proposé. Oui, oui. Est-ce que. C'est intéressant, tiens, je vais juste comme ça, je vais passer, je vais prendre ce micro. Il y a quelque chose qui me. Garde-le pour l'instant. Quelque chose qui m'intéressait quand je regardais Vaïcha l'aveugle, on va revenir sur la musique, mais c'est au niveau de la voix. Je trouvais qu'il y avait une énergie qui était complètement différente, et pareil pour Jean-Louis Piette, entre la voix anglaise, la version anglaise et la version française. Mm-hmm. C'est quelque chose sur lequel toi tu penses aussi, tu travailles sur ce que tu parles. Chaque film avec sa voix différente. Quoi. Caroline Dornan a fait un super bel travail sur la Vaïcha, et je lui dis que tu dois être très distant de l'histoire, aucune émotion. C'est comme ça sonne sur la fond du film. Parce que ça se peut, ouais, le film, s'il y avait une voix sentimentale ou si elle trop jouait. Donc on est resté à la base, le minimum. Dans ce cas-là, ce qui est intéressant, et je viens de parler avec Marcel Jean sur la petite tâche de coupe, sur le son, dans le cas de Vaïcha l'aveugle, c'était, vous savez, sur le film, la notion de présent est non existant. Le présent n'existe pas. C'est une ligne au milieu de l'écran qui sépare le futur et le passé. Donc, le challenge qu'on a eu avec Olivier Carvel, je dis, ok, maintenant, est-ce que tu sais qu'est-ce qu'on va faire? J'ai vu que le son soit la seule notion de présent dans le film. Donc, quand on a le futur et le passé, le son, c'est le présent. Et si vous regardez un peu le film, vous allez entendre qu'en fait, le son n'illustre pas l'image. C'est un challenge énorme pour les moteurs de son. Parce que tu sais, quand on voit quelque chose qui se passe, ils tentent toujours d'illustrer. Donc, dans ce cas-là, Olivier Calvert a inventé. Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi la présence dans la tête? Parce que c'est Vaïcha l'aveugle, pas Vaïcha la sourde. Tu lui as laissé le code total, enfin carte blanche pour la création, ah, ouais. Absolument, oui. Oui. Donc c'est quelqu'un avec qui tu travailles depuis longtemps, en fait. Donc c'est vraiment qui j'ai énorme confiance. Pour le Mon Chef, on peut passer. Pour le Mon Chef, évidemment, la voix est absolument, est absolument fondamentale. Comment s'est passé l'enregistrement de cette voix? まあ、当初は実は三味線をつけたりとかあのような、メロディーのあるナレーションをつけるつもりはなかったんですが、まあ、彼はもともと浪曲という伝統芸能であのような節のあるあの喋り方をするんですが、まあ、ほぼ全てインプロビゼーションがかなりなんでしょうね、本当に6割7割占めていますけど、もうあのそれもノンストップであの演奏三味線の演奏と、ナレーションをもう同時に10分間全く切らずに。 La prise de son pour ce film s'est faite de manière extrêmement rapide. Moi, j'avais au départ pas du tout l'intention d'intégrer dans le côté sonore du film cet accompagnement au chamisène, donc au luth à trois cordes. J'avais pas du tout l'idée d'une narration mélodique comme ça, mais l'artiste à qui j'ai demandé d'assurer la narration, lui donc, est un artiste dans le domaine du lo, donc un de ces domaines classiques japonais à la fois vocal et musical. Et donc avec des intonations comme ça très, très marquées. Et donc c'est lui qui a apporté ça, dans sa logique d'improvisation. Il a apporté, je pense, 60-70% de ce qui fait la qualité sonore de cette trame. Et donc il raconte en s'accompagnant donc aux luttes. Et c'est une performance qui est une performance vocale où on a fait à chaque fois une prise intégrale. Des 10 minutes du film, on a fait 3 prises et c'était fini. Ce qui est étonnant quand on voit, c'est que ça paraît une telle évidence, oui, presque aujourd'hui dans le film, et que pourtant ça a été un peu voilà, une improvisation, comme il dit, au moment quand c'est ce que mille tomes dans les dernières années, attendez, mais trop sensuel, c'est quoi, je connais d'abord des films au monde, c'est que donc, alors, ça va, c'est au niveau technique, ça nous paraît quoi, mal état, c'est quoi, donc, bah, non, déjà, これは多分日本の芸能の伝統で、その間の楽もそうなんですけど、本当必ずその本番だけがもうあのリハーサルとかそういうものが存在しない世界なんですね。で、浪曲も同じ話をやっても話すたびに全部違うんです。その時の空気で全てその感覚を読み取って、一番パーフェクトのタイミングで話すという、もうその今しかないというあの話し方ですね。 Oui, alors je pense que c'est quelque chose qui est lié en fait aux arts du spectacle japonais traditionnel. C'est-à-dire que c'est de la même chose dans la musique de nos également. la notion de répétition n'existe pas en fait. On est toujours dans l'instant. C'est-à-dire c'est le moment de la représentation qui est un tout. Et donc, un artiste de l'okuku, par exemple, chaque fois qu'il se produira, il produira quelque chose de différent. Et donc, il n'y a pas la notion de répétition ou de polir une performance n'est pas du tout pertinente par rapport à ça. Il y a vraiment le présent existe, justement, par contraste avec. Est-ce que le moment finalement du son, alors que vous essayez souvent d'avoir le plus de. Voilà, au niveau du visuel qui est votre art, et vous essayez d'avoir le plus de contrôle possible, est-ce que le moment du son est justement ce moment de libération, en tout cas de. Comment dire que quelqu'un d'autre puisse vous amener autre chose sur votre film finalement. Alors évidemment sur le son c'est pas un domaine où en tout cas personnellement je m'en remets complètement j'ai toujours effectivement une idée, une image, un plan dès l'étape effectivement de la continuité en image. Mais maintenant, effectivement, il y a toujours effectivement, aussi une part de contingence qui est en jeu. Et là, dans le cas du Bon Chef, par exemple, le fait d'avoir pensé et d'avoir songé effectivement, et d'avoir demandé à cet artiste, à M. Kunimoto, je pense, recelait en lui-même déjà ce choix-là, recelait cette part de. Ouvrait cette possibilité-là. Toi, tu es Théodore, justement, le fait de travailler avec Olivier. Bah, tu peux garder l'âme comme ça. Théodore, tu as fait travailler avec Olivier Cavert, par exemple, qui est quelqu'un. Il y a cette. Bah, tu viens de nous le dire pour Baïcha, mais non, même dans les autres films, il y a l'idée de lui faire confiance pour un ajout. Sur le film. Oui, il fait le jeu et parfois je fais contrôler. C'est comme réalisateur, vous avez toute la responsabilité pour le résultat final. Mais ce que je pense pour le son, c'est que le son c'est plus important à faire un film, dans le processus d'un film. C'est pas l'histoire, c'est pas l'animation. C'est le son qui compte pour moi. Toutes les autres sont des trucs secondaires. Une sonde peut faire le film, même si vous faites les pages jaunes, quelque chose, ça peut faire un film si le son est bon. Et même si vous faites la meilleure histoire, même si vous faites Shakespeare, si votre son est mauvais, ça va détruire le film. Donc pour moi, le son et le montage sont numéro un. Et Jean-Baptiste se souvient quand j'ai fait mon intervention à INSAT, on a commencé par ça. Le premier truc que je lui ai dit, c'était « Ok, on commence par le son ». Et les étudiants étaient un petit peu, je sais pas, surpris ou je sais pas quoi, mais ils ont tous fait un travail remarquable. Et pour moi même, ce n'était pas important de voir le film final. Parce que quand tu fais le son, tu te concentres sur le concept. Et le concept du film, c'est très important du début à la fin. C'est parce que ça tient tout. Dans une trame sonore, si tu fais construire, ça peut être tous dedans. Et après ça, tu peux mettre un écran noir, comme il a fait. Et ça va marcher. Oui, parce qu'il faut savoir, ce qui est étonnant, c'est que cet atelier, c'était sur la peur, c'est ça? C'était sur. Donc en fait, il y avait un thème. Donc quand tu dis que tu arrives avec le son, c'est. Justement, c'est un thème. Le terror. En fait, c'était le terror. La terreur, c'est ça. Et c'était avant les événements qui se sont passés à Paris. Toi, Jean-Baptiste, toi qui peux faire aussi ta propre musique un tout petit peu différent, c'est. Évidemment, là, c'est difficile de dialoguer avec toi-même. La majorité des gens, c'est difficile de se dire comment ça se passe. Encore une fois, ça dépend des projets. Ça peut être une facilité, c'est-à-dire que créer le son en amont, ça donne, comme disait Théodore, ça donne l'idée, on réfléchit au fond du film en fait, quand on fait le son. Et en fait, après, du coup, ça donne une base qui est très solide, qui peut être très solide pour faire le film. C'est-à-dire que si le son fonctionne, a priori, le film va fonctionner. Ça, c'est quelque chose que toi qui as voilà, appris très tôt, tu te rappelles quand tu as débuté, quand tu commençais à faire tes premiers films, il y avait déjà cette présence du son ou c'est venu au fur et à mesure? C'est plutôt venu au fur et à mesure. Je dirais qu'au début, je n'avais aucune conscience de ça. J'avais tendance à penser l'image comme la chose principale et le son comme quelque chose qui viendrait la supporter. Et je me rends compte que c'est plutôt l'inverse, peut-être. Que le son, en fait, crée la profondeur du film. C'est toute la prunelle, la partie inconsciente pour le spectateur. C'est-à-dire c'est le ressenti inconscient du film. Mais c'est ce qui vraiment communique le fond. Quoi. Est-ce que toi, Théodore, justement, pour revenir à toi, est-ce que. Bon, là, on va voir, on va c'est pas bien parce qu'on va vraiment voir des petits bouts, mais c'est évident, il y a la trilogie, par exemple, évidemment, de Flux. Est-ce que là, de partir. Ouais. Ah. Fallait que ça m'arrive. C'est la technologie. C'est ça. C'est la machine. Fallait que ça arrive à un moment donné. Ça crase tous. Mais allez. Oui, non, non, on n'a pas, le temps. Évidemment, Drux Flux. Je passe, hein, je vais rapidement. J'espère que vous les connaissez en grande partie de toute façon, Tower Bower. C'est bon, hein, vous connaissez bien sûr Gloria Victoria aussi qui fait partie de cette trilogie. Je ne l'ai pas vu en relief malheureusement. Et bien sûr, plus récemment même, des choses comme Démonique. Partir d'une musique comme ça, c'est on a parlé du son, on a parlé des dialogues, mais partir d'une musique, c'est toujours très très fort dans ces films. C'est souvent une des bases et on le retrouve évidemment puisque en gros on retrouve dans Vaisha aussi la force de la musique. C'est des choses. Toi tu entends une musique et tu te dis ça, tu la mets dans un coin de ta tête, dans un coin de l'ordinateur, dans. Exactement. Tu utiliserais ouais, c'est ça. C'est ça qui se passe. Ah, vous savez quand on travaille avec la musique, vous avez déjà une construction très solide de votre film parce que les compositeurs. Ah, ils font toujours un bâtiment, ils sont des architectes. Donc, ils font la construction de cette morceau de musique et tout est solide dedans, toutes les basses sont là. Ah, parce que pour moi, le très important, c'est le timing sur le film. Un des plus gros efforts des films d'animation, c'est que les gens ont un problème avec le timing. Et quand vous travaillez avec une morceau de musique, le timing est parfait toujours, parce que c'est a été fait par quelqu'un qui a pensé musicalement. Il a déjà pensé de vous, donc il a fait. Moitié de votre film est déjà fait. C'est pour ça que j'aime travailler avec une musique qui est déjà préenregistrée. Parce que si moi je fais de l'animation, après ça je donne à une compositeur, ça ne marche jamais. Parce que malheureusement, il n'y a pas beaucoup de choses d'accord avec Bossov à notre jour. J'ai essayé quelques fois et ça marchait, mais pas extrêmement bien. Par exemple, l'exemple avec Troisième page après le soleil. Le film a été construit autour d'une performance musicale, même pas un enregistrement, une performance musicale de Steve Ray Vaughan dans un bar à Toronto, dans lequel il était drogué sur. Il a détruit sa guitare et ça portait une énergie énorme. Et après ça, on a eu des problèmes avec Jimi Hendrix Trust, parce que le morceau originellement était enregistré par Jimi Hendrix. Et Jimi Hendrix Trust s'est changé la tête. Donc on a obtenu les droits. Et 6 mois plus tard, Jimi Hendrix Trust sont changés. Et ils ont dit non, vous ne pouvez pas les mettre, par exemple, dans une DVD ou. Des restreintes qu'on a pas. Donc, on a donné un compositeur excellent, contemporain de musique classique. Elle a fait super bon temps, mais l'énergie est-elle perdue? Donc c'est l'exemple que je donne toujours, que la musique originale, c'est toujours la base qui est importante. On va jeter un petit coup d'œil alors à cette première version, pas l'entier. Ah, la première. Mais la première version évidemment de... Et si je ne me trompe pas, c'est bien ce fichier là. On va voir, je mets pas au même moment, et ça, c'est la seconde version. De film, c'est un autre film complètement différent, et pourtant c'est absolument la même image. Il n'y a pas un changement de tout. C'est toujours l'impression. Je trouve que c'est jamais montré ça. Bon, comme ça, on a vu un petit bout quand même. Il a rarement montré celui avec la musique d'Hendrix, et mais c'est enfin voilà. Je trouve qu'il y a un côté qui est très impressionnant, voir à quel point finalement ça montre bien que certes. L'image est fondamentale, mais le son l'est évidemment énormément aussi. Alors, en fait, c'est seulement toi qui a le fichier de film. Je garde le droit exclusif à la cible. Quand on parle de Parade, évidemment, qui est le dernier film de Keiji Yamamura, pareil, ça c'était important de pouvoir. Se baser sur la musique de Satie, c'était vraiment ce qui est venu au départ dans l'envie. Juste, on va regarder juste un tout petit bout rapide. Hein. Avec cette sirène, on en parlera. Comme ça, les mots, hein. Oui, c'est ça. 今回は、まあ、普通の、まあ、多くの作品も、まあ、ナレーションと、サウンドエフェクトと音楽、まあ、大体、まあ、映画ってその3つの大きな音の要素があると思います。で、まあ、音楽だけの作品って意外と、まあ、僕そんな作ってないんです。必ず声とか別の要素が入ってるんですけど、まあ、これはあの初めて本当に、まあ、CD そのままですね、全くこの映画のための CD を全くしてない作品になります。 でもそれはサティの音楽そのものではない。 そうですね、あのウィリアム・ブレイカーという、まあ、オランダのジャズのミュージシャンが一応少し編曲をした、ただし一応、まあ、サティの楽譜の流れには乗っ取っていますし、まあ、こういうサイレンとかあタイプライターの音とかあのカラカラカラという宝くじの踏ます音とか、まあ、そういったノイズも含めて最初からその音の要素が全て入っていたものを、まあ、使っています。 あの、oui, moi, dans les films は toujours, enfin,souvent c'est trois versants sonores qui sont donc narration ou dialogue, plutôt narration d'ailleurs, narration, effet sonore et musique, qui relèvent de la grammaire classique du cinéma. C'est la première fois que je fais un film où il y a uniquement la musique, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'effet sonore, il n'y a pas de narration, il n'y a pas de voix, et donc j'ai vraiment repris une bande sonore, une piste sur un CD. Et alors c'est pas la musique d'Eric Satie telle quelle, la musique telle que l'a composée Satie, c'est donc un groupe, donc c'est Willem Breuker, donc un artiste donc, hollandais, avec son groupe de musique, qui a finalement arrangé un petit peu le morceau original de Satie, la partition, tout en respectant bien sûr la partition. Mais il y a des choses, comme c'est une musique qui a été composée pour le ballet, il y a des indications sonores, comme par exemple effectivement la sirène, précisément, donc il y a marqué sirène, effectivement, ou des sons de machine à écrire, des choses comme ça qui sont donc, que eux intègrent suivant ces indications, mais avec un certain espace. Il y a le bruit de la machine qu'on fait tourner là pour faire tomber des billes, l'espèce de loto, toutes sortes de sons qui sont voilà, qui un petit peu inusité, je dirais, dans une partition musicale. Et moi, j'ai pris cette interprétation musicale de Satie par le Wilhelm Brücker Group et je m'en suis servi tel quel. Voilà. C'est son premier film personnel avec de la musique parce que, je ne vais pas retrouver, mais il y a. Coaching, c'est ça, coaching. Il y a par exemple. On va prendre des ça c'est un oui, c'est un clip, voilà, qui était. animation no contest ni kore ma ima iroiro oshi hajimete desu kedo music clip bumon ni ogoshite ii no ka douka mayou desu. Donc moi j'ai un problème maintenant avec Parade, c'est quand je veux envoyer le film à festival, est-ce que je me dis est-ce qu'il faut que j'envoie dans la catégorie des vidéoclips, je sais pas. C'est un petit peu différent quand même. Ah demo process としては music clip と同じですね。 音が CD が je pense que en termes de processus, c'est vraiment c'est strictement ça, c'est-à-dire on prend un morceau sur un CD et hop, on fait oui, c'est ça, c'est par exemple si on regarde voilà qui était attends quand même l'ours. Ça on va baisser un peu comme ça on va. Ça c'est pour vous c'est pareil, c'est-à-dire vous travaillez sur これもそうですね。これは、まあ、日本の古い歌を坂本龍一がコンピレーションで集めた日本の歌という CD が3タイトル出ていて、まあ、それを映像化するというプロジェクトの一環で、まあ、僕はこの「アメフリックマンの子」という曲を作ったんですけど、まあ、これも本当の作り方としてはミュージックリップです。もうその CD の音源がもう最初から。 C'est exactement le processus de la source. Là, en l'occurrence, c'est un morceau, c'est Sakamoto Ryuichi, que vous connaissez, le compositeur japonais de plein de musique, etc., a compilé en fait trois albums de poèmes, de chansons anciennes japonaises. Et donc, il y a eu un projet effectivement de mise en image, d'adaptation. Moi, j'ai hérité de ce morceau aussi. Et donc voilà, c'est exactement le même processus. Effectivement, je prends le morceau musical au départ et puis j'en fais un film en image. Quoi. Ce que j'ai vu, ça a l'air assez fidèle. Parade de Satie aux images qu'on peut voir de Picasso puisque parade の場合はそのかなりやっぱりかなりピカソが作ったものとかいろんなそのいろんな要素にかなり忠実に描いてるように見えますかどういかがでしょうか。 ピカソに関してはこう言った方がいいのかな。まあ権利の問題がありますので基本的にピカソのデザインをそのまま使っていません。 Alors pour ce qui concerne Picasso, j'imagine que vous, enfin oui, je vous imaginerais aisément que risque de se poser un problème de droit, donc il n'y a aucun aspect de conception graphique de Picasso que j'ai repris tel quel. Et donc, par contre, effectivement, l'image qui est à la base du travail de Picasso, je m'en suis inspiré effectivement pour l'adapter à ma propre manière. というのは、もともとこれを作りたい動機としては、その1917年のパリでのそのパラードの初演をもう自分が見てみたいという欲望があったんですね。まあ、映像は残っていませんから、それをアニメーションで再現するということで、初演になるべく忠実に、するという部分は守っています。 はい。Et en fait, pour tout vous dire, moi, la motivation centrale qui m'a amené à réaliser ce film de parade, c'est vraiment l'envie, le désir que j'avais d'essayer de voir, de découvrir moi-même ce qu'avait été la première présentation de Parade en 1917, et dont il ne reste aucune trace, aucun enregistrement en image, en mouvement. Donc il s'agissait finalement d'opérer une sorte de reconstitution intérieure, animée, de ce qu'avait dû être cette présentation mythique, voilà, de 1917. C'est une présentation qui a été beaucoup de... C'était très décrié, on va dire, à l'époque. Les gens, évidemment, aussi bien musicalement, la cacophonie. Ça, c'était important aussi de prendre cette œuvre un peu maudite, on va dire. Il y a eu un anime de Noroa Leta Sakurin, et il y a eu un autre qui est un peu plus grand. C'est vrai, c'est un scandale まあ、世界大戦中にこんな狂ったバレエをパリで上演していたという、まあ、その事実自体がとても興味深いですし、 実際、まあ、本当にその当時音楽に対してこういうノイズが入るということは多分信じられなかったわけですね、 はい、 音楽は静かに聴いていて、それ以外のノイズはまあ音楽ではない、まあ、それ以降、まあ、ジョン・ケージなんかそういうそれ環境的な音も含めて音楽だというような現代的な考え方が出てきましたけど、本当にその現代の音楽ミニマルミュージックのようなこの繰り返ししつこい繰り返しがあったりとか、まあ本当あの今の現代つながるあと環境音楽ですね、あの家具の音楽といって、まあ、家具の音楽ファニチャーですね、あの、まあ、それは今のアンビエントミュージックというのはもう存在していてしないような音楽、まあ、本当に現代の音楽のいろんな基礎的な要素がこのサーティの、あの曲の中に詰まっているわけです、 はい、 そこがまあ現代と非常に直接的な接続点としてこの映画を作る意味があるかなというふうに考えました。 立てみるさんすごい楽しいです。Oui, effectivement, ben, ce scandale historique, moi je trouve que c'est une donnée tout à fait étonnante, très, très impressionnante. Le fait de, en pleine Première Guerre mondiale, de présenter à Paris un ballet aussi déjanté, effectivement, et le fait que ça ait suscité ces réactions, pour moi, c'est quelque chose qui était tout à fait effectivement signifiant. Le fait que, alors, au niveau musical, bien sûr, l'idée d'intégrer dans une partition musicale des bruits, finalement, le choc que ça a représenté pour les auditeurs de l'époque qui, eux, considèrent la musique comme de la musique et le bruit comme n'étant pas de la musique. Alors, il y a eu ensuite John Cage, la musique minimaliste, tout ça, le fait d'intégrer des effets sonores, mais c'est déjà dans Parade, en fait. Tout cet aspect de répétition mécanique, le fait d'utiliser comme instrument des choses comme des meubles, enfin des musiques d'environnement, tous ces aspects-là, tous ces développements ultérieurs de la musique du XXe siècle sont déjà présents dans le travail de Satie. Et donc, une musique qui, à la fois, est musique et autre chose, on pourrait dire. En tout cas, il y a un lien très, très direct avec ce qu'on considère aujourd'hui être de la musique et qui a été théorisé par la suite. Donc, il y a vraiment quelque chose de très, très fort dans cette œuvre-là qui a 100 ans d'âge. Parole évidemment importante, Stravinsky, etc. Il y a beaucoup de choses. Théodore, Stravinsky, est-ce que toi, tu restes fidèle au matériau d'origine pour Vaishalabha? Je dois beaucoup son approche de ce film-là, sur Satie, parce que moi j'ai aussi eu l'idée de faire un film sur Satie, mais dans le fait dont je... Mais si je vais te abandonner, je vais le promettre. Beaucoup de moins. Et bon, c'est là que tu vas payer, donc. Donc, si on parle de... Ok, Vaishalabha. C'est quoi la question musicale? La question c'est, est-ce que tu restes fidèle? C'est une adaptation? Oui. Est-ce que l'adaptation est très fidèle au matériau d'origine? Non. Vous savez, les écrivains, ils utilisent une langage qui n'est pas toujours approprié à l'animation. Donc on a beaucoup simplifié le langage, parce que Georges Buscovilov est un écrivain qui a un langage très riche. Donc, on a fait tellement raccourci l'écrit, les récits, et tout ce qu'on a coupé, j'ai mis en image. Donc, c'était ça mon approche avec la texte, si on parle du texte. Et aussi, j'ajoutais évidemment la musique qui joue pour moi un rôle important, mais il m'a amené vers certaines directions, par exemple la musique de Kodash qui. Et le moment avec les sortilèges dans le Vaisha. Et aussi, l'autre truc qui m'a amené, c'était la musique de Henry Purcell, de Funeral of Queen Mary, qui en fait a construit mon début. J'ai construit le début autour de la musique de Henry Purcell. Parce que ce que j'aimais dans cette approche, c'était, vous savez, c'est une musique funérale. Et j'ai mis la musique funérale sur une naissance, la naissance d'un papillon, la naissance d'un enfant. Et cette contradiction, ça me plaît beaucoup parce qu'en fait, c'est ça qui... En fait, tous les films dans cette première 25 secondes, le funérale et la naissance, entre les deux, il n'y a rien. C'est ça le... Ça faisait longtemps qu'il n'y avait pas un film de... dans le chef avec une narration plus classique entre guillemets, ou comme tu dis, là on a dès le début déjà des thèmes forts et qu'on voit directement à l'image. Ben, la première et dernière était un film de Tsaritsa avec qui on travaille avec Pierre-Yves. tu sais, mais peut-être que c'était lui le premier concepteur de mes films. Et c'était super comme expérience. Après ça, tu sais, moi je trouve extrêmement facile de faire un film narratif. Pour moi, c'est beaucoup plus facile. Il y a beaucoup plus de challenge de faire un film conceptuel, non narratif, abstrait. Et il y a plus de défis dedans. Parce que avec un film narratif, c'est facile. Pour moi. C'était facile de mettre en place donc cette idée parce que ça aurait pu continuer aussi longtemps, enfin le jeu entre le futur et le passé. C'est génial d'avoir une conversation entre petite Doge, Desch, Malcolm, comment ça s'appelle, avec la barbe, et il fait toujours beaucoup de questions. Il me dit c'était quoi les autres idées, et j'ai commencé à rencontrer les autres idées que j'ai eues, et même j'ai animé continuer à faire un long métrage avec toutes les situations dans qui une femme qui ne voit pas le présent peut tomber. C'est infini. C'est une série télé, tu peux faire. Ça. Et donc, comment ça arrive dans son scénario comme ça, on se dit non, là, il faut que je reste sur tant de minutes. Exactement. C'est la durée du film qui. Il faut que tu te restes 30. Pour moi, c'est l'essentiel, c'était de dire que. Il faut vivre le présent. Il ne faut pas gaspiller la joie du présent. C'est parce qu'à la première fois, on rencontre une fois avec un film de Todor Chef, avec un vrai message qui est évident. Est-ce que c'est évident à la fin? Oui, en fait, il y a beaucoup de monde qui s'est compris exactement le film, le message, sauf les Russes. Je ne sais pas, les Russes, ils savent anglais. Il m'a dit, mais on n'a pas compris ce qui s'est passé. Ok, bon, je ne sais pas pourquoi. La fin dans le livre, évidemment, ça ne peut pas être ça. La fin, ça ne peut pas. La fin, c'est proche. C'est dans cette direction, mais ce n'est pas exactement ça. D'accord, mais en tout cas, c'est dans cette direction-là. Traumatisme, quand on travaille sur le souvenir comme ça, pareil, c'est très. C'est difficile de coucher en mots pour faire un scénario, pour raconter une histoire. C'est quoi au départ pour ton film la base de départ, c'est quand même des mots. La base de départ, comment dire. L'écriture du film, je l'ai faite avec le son. Du coup, dans l'idée du processus de création, comme je l'ai déjà expliqué, j'ai demandé à quelqu'un d'enregistrer ça. Donc c'est ce son qui m'a servi d'écriture. Et c'est ce son qui m'a servi de montage également. C'est-à-dire que c'est grâce à cette matière première qui m'a servi pour écrire le film à partir de mes souvenirs. Donc après, l'autre partie, c'est une partie inconsciente qui est dans ma tête. Tu avais une banque de données qui était importante. Il y avait beaucoup de minutes, d'heures d'enregistrement. Donc tu t'étais restreint à demander finalement assez peu de choses. J'ai essayé de limiter, mais en faisant une liste assez définie à l'avance. J'avais quand même des heures de son et en fait j'ai passé probablement un mois et demi ou peut-être plus à faire mon montage son. Aussi parce que j'avais pas forcément toutes les connaissances de la chose, mais ça a pris beaucoup beaucoup de temps. Quand on est, tu l'as fait encore dans ton dernier film, dans une école. Quand on fait ça, on est toujours guidé aussi par des profs, des gens comme ça. Quand on joue beaucoup sur ce qui est dans la tête, il y a quelque chose d'un peu palpable, je trouve, dans le film, mais même dans ce que tu fais dans la création. C'est facile comme ça de pouvoir dire à des personnes, et on pourrait dire la même chose avec des producteurs, leur dire laissez-moi faire, vous allez voir, gars, je sais ce que je fais. Je dirais que Over Deco, c'est plus facile, d'une part, et d'autre part. J'avais une logique qui était très pas à pas et très contraignante pour moi, et donc du coup qui pouvait rassurer aussi les gens en face. C'est-à-dire que étape par étape, j'essaie d'abord d'avoir le son que j'avais déjà, et ensuite de monter le son, et ensuite de faire l'image, etc. Donc dans un sens, c'est rassurant quand même pour les gens qui attendent un film, qui veulent voir la chose évoluer. L'esthétique du film était venue aussi entre guillemets, assez rapidement, dans cette idée toujours de souvenir et de choses qui sont, je répète ce mot impalpable, en tout cas voilà, qui est difficile à mettre en image. Pas vraiment. En en fait, bah, c'est un projet que. En fait, c'est, ça vient de l'image mentale liée au souvenir. Et c'est un projet que j'avais depuis déjà longtemps. Ça faisait déjà. Peut-être que les premières images mentales liées à ce projet me sont venues peut-être 2 ans avant que je le fasse. Et c'est quelque chose que j'ai continué à réfléchir en soupape pendant 2 ans avant de le faire. Quoi. Donc. Ces deux ans étaient vraiment importants dans la... Oui, parce que les premières idées d'images que j'ai eues n'avaient rien à voir avec celles-là. C'est-à-dire, c'était des images beaucoup plus complètes, et beaucoup trop complètes pour moi, pour mes décisions que j'ai faites. Enfin, après, sur la fin du film, c'est pour ça que j'ai choisi de laisser plus de place au son et moins de place à l'image. C'est-à-dire, de laisser le plus possible de place au mental, entre guillemets, à la reconstruction. Donc il y a des moments où il n'y a rien, quasiment rien, juste un motif qui passe, du noir, de la vibration, et c'est le son qui va donner une contextualisation et permettre, j'espère, au spectateur de reconstruire un espace qui doit être beaucoup plus large que celui de l'écran. Nicolas Brault hier disait qu'il faisait 2 ans pour faire un film, 1 an de réflexion et 1 an là vraiment de tournage. C'est la même chose, il y a besoin de ce temps de réflexion. Oui, je pense que, mais ce n'est pas une réflexion qui est constamment active, c'est une réflexion qui est aussi très passive, c'est-à-dire, surtout quand on est dans un projet comme celui-là qui est lié au souvenir et à des choses inconscientes, on a besoin de le mûrir de façon un peu, je ne sais pas, comme une musique qui laisse le silence, qui laisse de la place au silence, c'est-à-dire juste par petites touches et la chose s'étend. Théodore, tu fais oui, pourtant tu fais des films, t'en fais au moins un par an. C'est surtout là depuis le 2007. Cette réflexion, elle se passe comment? C'est des choses. Il y a quelque chose que j'avais bien aimé quand Third Pledge from the Sun, je crois, t'étais passé à Lille, et quelqu'un t'avait dit mais combien de temps vous avez fait pour faire ce film? Et t'avais dit 35 ans, enfin je sais pas. Et il y avait cette idée finalement, bah oui, tout ça mûrit, ça prend du temps. Il y a besoin de ça. Comment toi tu fais, encore une fois, j'ai l'impression que c'est tellement rapide, la manière de faire les films. Quand j'ai une idée, il faut que je les sorte, et c'est comme ça que je fonctionne. Mais maintenant, il va y avoir une pause, parce que je suis en train de faire un long film, 25 minutes, avec une technique ancienne qui s'appelle Encaustique. Donc c'est très laborieux. Donc mon prochain film va sortir en 2019. Donc, ça va avoir une pause de 3 ans. 3 ans sans film? Ouais. Ouais. J'ai déjà commencé. Donc, ça fait. J'ai animé 6 minutes du film. Donc, mais pour récompenser tout ça, je viens de tourner mon premier film de prise de vue réelle, long métrage d'action, de fiction. Donc, je vais reposer avec ça. Un tournant. La réalité. Alors bêtement je regarde mais je crois non j'ai quelques images parce que j'ai eu la chance de venir à l'ONF. Ah oui, je vous les montrerai, je peut-être vous montrerai demain, je vais les poster sur mon site et j'ai quelques images justement où on va travailler l'encaustique et quelques images déjà du film. Je suis là, je vous rencontre les sur mon site. Voilà, je vous les amènerai demain pour vous jeter un petit coup d'œil là-dessus. Ça m'a, comme tu es parti là-dessus, ça m'a perdu. Est-ce que, pour que Gabin Mama, c'est la même chose dans l'idée de durée puisque, la réflexion et la... Oui, puis parce qu'il travaille aussi sur beaucoup de commandes entre deux films personnels. ケースバイケースなんですけど、頭山は本当6年もかかってしまったんですけど、これ本当完全にセルフプロデュースで、コマーシャルの仕事とか他の子供向けの短編を作ったり、 それがでも思考が必要となった年月じゃないですか。 そうですね。頭山に関しては、実際もっと資金があって集中できれば2年少しぐらいで完成できたんじゃないかなというふうに思います。ただその必然的にそういうふうに時間がかかってしまう。前のうちの意図もそうなんですが、NMB の方は非常にこう早く共同制作の決断をしてくれたんですけど、日本側のスポンサーを見つけるのに、 時間がかかってしまって、結局まあ完成制作は2年ですけど、まあその前に5、6年時間が隔たってしまったんですね。あの頭山の直後に発送していましたから。 それでもその間に入った年月も、 うん、もう他のカンパ作ったり、まあ、 いやいや作品に何か成熟を与える という、その プラスに働く、 非常にそれがプラスに働きました。だからそういう、まあ、自分が意図して長くあのかかってしまったわけではないんですけど、その実際の実行に至るまでの時間というところでは、あのその待っていた時間というのはすごく有効だったと思います。多分それを早く早い段階で作っていたら、今のような作品で絶対になってなかったなというのは思います。 Alors c'est donc un parquet, bien sûr, mais ça me rappelle qu'effectivement, que pour le Mon Chef, par exemple, c'est un film qui a été entièrement autoproduit, que j'ai animé sans le moindre budget, donc c'est un prix si cher de le faire parce qu'il fallait gagner ma vie en parallèle. Si j'avais eu le financement, l'argent ou le temps de m'y consacrer entièrement, je pense que le film j'aurais pu le faire en deux ans. Mais il y a quelque chose à la fois d'inévitable et de pas forcément négatif dans cette réalité. C'est My Bridge, par exemple, l'idée du film de My Bridge, m'est venu juste après le Mon Chef en 2003. On en parlait déjà en 2003 avec les gens de l'ONF, Annecy. L'ONF s'est décidé très vite pour ce projet et finalement il s'est écoulé 5 ou 6 ans avant qu'on arrive à trouver un coproducteur du côté japonais. Et alors, donc, de manière totalement disjointe de mes propres intentions ou de ma réflexion à moi, il y a un temps comme ça qui s'avère nécessaire à la possibilité concrète de faire le film. Et ça apporte quelque chose, effectivement, ça apporte une maturation. Je pense que si je m'étais attaqué au projet sur My Bridge dans la foulée du Mon Chef, alors j'ai réalisé d'autres films dans l'intervalle et le film a continué à mûrir aussi dans ma tête, le film aurait été très différent, je pense beaucoup moins, il n'aurait pas pris cette forme-là du tout. Donc cet intervalle, ces interstices de temps qui me sont imposés par la réalité, finalement font sens et apportent quelque chose à la réflexion sur le projet. On voit une partition là justement qui est dans Mubri, une image de Mubri. On a l'impression que la musique déjà très présente avant, mais là prend de plus en plus de place dans son cinéma. まあ、元々この映画のタイトルもずっと迷っていて、あのカニのカノンというタイトルにするか、マイブリッジの糸にするか、もう結構途中でも変えようかと思ってぐらい、まあ、最初からこ のモチーフがまあ映画の中心になってました。 Oui, c'est un motif dans cette partition, c'est un morceau très court de Jean Sébastien Bach, donc le canon du crabe, avec ce principe donc de symétrie, c'est-à-dire au milieu du morceau, on rejoue à l'envers ce qui s'est joué dans la première moitié. Et moi, jusqu'au titre du film, en fait, ce motif-là est central dans mon idée de film. Et sur le titre, j'ai longtemps hésité entre donc, les cordes de ma vie et puis donc, le fait d'attirer ce film Crab Cannon. Finalement, donc voilà, c'est pour vous dire à quel point ce morceau effectivement, a été décisif. Dans la création. Pour revenir, pour avancer un tout petit peu, moi, ce qui m'a beaucoup surpris et très épaté dans Parade, donc le dernier film, c'est une grande liberté. J'avais l'impression, en tout cas, d'un grand lâcher-prise. 非常にそれ完全に線に関しても、あるいは動きのその想像に関しても、大変もう自由になったという、そのこう本当に開放的な、あのもう何でもこう本当にそのあの何でしょうか、筆任せじゃないんだけども、そういうようなところを感じるんですが、うん、はい、 あのまあ、より軽やかなものは目指したと思います。 軽やかなもの ですね。はい、あのそれはサティの音楽からの影響ですね。やはりバッハがモチーフであるのと、だいぶその辺は自分自身への影響があると思います。ただ絵の描き方としてはどちらもいわゆるあの下書きというものをほとんどせずに、もうダイレクトにフィニッシュの線や色をつけてあの描いていくという描き方をしています。その辺ではかなりあの絵の描き方としてはその即興的な要素がどちらも入っている。マイブリッジも両方即興的要素がある。 Alors, ce que je peux vous dire, c'est que j'essaie de viser une certaine forme de légèreté. Et ça vient bien sûr du matériau musical de départ, c'est très différent, évidemment c'est très éloigné de ce que peut être la musique de Jean-Sébastien Bach par exemple. Mais d'une certaine manière, entre les cordes de My Bridge et ce film-ci, il y a un point commun dans la manière d'appréhender le graphisme, c'est que j'ai travaillé à l'un et l'autre de ces films avec très peu de démarches préparatoires, d'esquisses, de dessins qui servent de base, etc. C'est vraiment un travail direct à la fois pour les tracés, pour les couleurs, avec une part assez large laissée à l'improvisation du moment et donc sans conceptualiser ou préparer en amont, etc., préparer le dessin à la forme du mouvement. C'est vraiment, il y a quelque chose qui se joue dans le moment du dessin. Voilà. Donc beaucoup d'improvisation, donc pas forcément de storyboard, quand même un storyboard, mais en se laissant la place. やっぱり例えばストーリーボードとかやっぱそういうコンテンツを書いてるのか書いてないのか、 はい、 書いてるじゃなくても、 はい、あ書いてるパラダは全く書いて ない。やっぱりストーリーボード。 初めてですかストーリーボード？ そうですね。まあ仕事ではあるかもしれないですけど、まあ 一般 的にないですね。学生の頃とかまあそうですね。完全に本当にまあスケッチも少ないですし、本当にもうほぼダイレクトで書いていく感じでは。 Très peu vraiment la pour ce film non seulement pas de storyboard mais très peu même de d'images préparant quelques croquis et puis je me suis lancé. Le film est aussi une réflexion sur l'acte de création. J'ai l'impression d'avoir les mots. Ce film là, d'accord,言葉の、ね、引用されたそのセリフとかあの、まあ、サティ の, こうあの、引用は大変やっぱりそのこう想像とは何かあのというテーマを預かっている作品に見えますが、 はいまあ、僕はそうですねずっと、まあ、そういうものはやっぱり自分の中で、ものを作ることや芸術に対しての何か考えるためにまた自分がものを作るというそういうテーマは確かにあると思います。 Je pense que oui, cette thématique est présente. Pour moi, le fait de travailler à un film comme celui-là, mais de manière générale, tous les films sur lesquels je travaille sont aussi une manière justement de réfléchir à, au sens, à ce que signifie l'acte de créer. Ça, c'est quelque chose qui est assez comment dire, constant. Vous avez trouvé, il y a des dialogues qui sont un peu surprenants au début. Il y a un petit côté, j'ai eu un peu de mal au début. Alors, 最初入るのはね、そのこうバラバラなそういった言葉が乗られずにちょっとこう戸惑いもありましたが、 あのまあ元々そのこの音楽もかなりあの断片的というか、あのただしその断片性ジャズを使ったり当時の流行り歌を使ったり非常にコラージュ的な作り方をしてるんですね。ただそれはなかなか現代の我々が聞くと逆にもとても非常に完成されて洗練された音楽に聞こえてしまって、そのバラバラな感じとか暴力性みたいなものとか、また意味のつながらなさみたいなところを逆に映像とかの言葉の方であの少し強調しているつもりはあります。意味がつながらないという感じを。 Oui, le son lui-même, effectivement, et la musique de Satie est basée sur une démarche finalement de fractionnement, je dirais, un écoulement très parcellaire. Voilà. Elle mélange des aspects, donc il y a des aspects de jazz, des aspects qui viennent de chansons qui étaient à la mode à l'époque. Et quand on entend cette musique aujourd'hui, elle nous apparaît très, très épurée, elle nous apparaît comme une fusion très réussie, c'est-à-dire que la patine du temps, je ne sais pas en tout cas, apporte quelque chose qui. Nous semble évident dans ce côté justement très très éclaté. Et moi j'ai voulu effectivement à l'image également avoir que l'image participe à cet éclatement du sens. Voilà. J'ai l'impression que c'est son film le plus presque complexe dans l'approche, c'est-à-dire que c'est le moins émotionnel. On a beaucoup de films, hein, voilà, qui jouent aussi sur l'émotion. Là on a l'impression qu'on est dans un film assez intellectuel en tout cas, qui joue plus là-dessus. 最もだから何でしょうか、その一番ある意味で概念の上でその複雑な作品に見えるんですね、矢野さんの。その要するに一番こう感情的要素を入れない作品ですね、一番こうインテレクチュアルなその知的なあのその野望 の, あのものに見えるわけですけど、 まあ、それはやっぱりサティからの要素は強いかと思います。やっぱりその音楽もそうですけど、テキストからもかなりいろいろインスパイアされて、 はい、 あのまあ本当最終的にはこれだけしか選ばなかったわけですけど、 はい、あのいろいろ、ね、 でそのサティの持ってるあの、まあ、非常にこう攻撃的で、実はあの一見は彼の音楽を聴くと上品で美しくて内向的で、そんなイメージ持ってる人多いかと思うんですけど、実はかなりその内に秘めた攻撃性とか暴力性がすごく 上品で内向的で、 に聞こえ表面的には、ね、聞こえて、そういうふうに捉えてる人多いかと思うんですけど、実際彼のパーソナリティ含めてあの非常にこう暴力的だったりとか挑戦的だったりする要素があるわけですね。 Je pense que c'est lié aussi, là aussi cette dimension-là vient assez largement de la personnalité même de Satie, en fait, de ses textes. Moi, il y a certes quelques citations que j'ai aussi intégrées là, mais il y en a beaucoup d'autres. Il y a un certain nombre de textes de Satie qui nous sont connus. Et je crois qu'il y a une des dimensions essentielles de ce personnage, c'est aussi sa très grande agressivité en réalité. C'est-à-dire que c'est une musique qui, à première vue, de manière superficielle, peut être très raffinée, très élégante, comme ça, très introvertie, peut-être quelque chose. Et en réalité, c'est une personnalité très violente, très, enfin voilà, très ambitieuse, et voilà, c'est quelque chose que j'espère aussi se retrouver dans le film. まあですから、まあ、この映画を作りながらだんだん完成に近づいてきて、 多分これはなかなか理解されないフィルムに、まあ、いつもそれは後悔するんです。あの作りながら自分は分かりやすく作ってるつもりなんですが、次第になんか複雑さなどを帯びてきて、まあ、今回もあのなるべくシンプルに楽しいフィルムを作ろうと思っていたんですけど、はい、仕上がってくるとこれはかなり理解されにくいフィルムだろうなというのは自分でも少し自覚しています。 Donc en fait, pour répondre à la question de cette complexité intellectuelle, plus j'approchais de la fin du film, plus je me disais effectivement ce film-là ne sera pas compris, ça va. Alors que j'avais au départ l'intention de faire un film simple, très plaisant, agréable, de me faire plaisir et tout. Et en fait, plus ça allait, plus je me disais maintenant ça va, personne va suivre ça. Quoi. C'est pour ça que ça en a décompensé, je pense, pas mal. J'ai une question. Justement. Est-ce que tout le texte qui est écrit vient des récits de... 引用されている文章は全部サティの引用ですか？ そうです。サティが書いたテキストですね。だから一字句、コンマ一つも変えずに、あの点の数も変な数があったりするんですけど、それも全てそのまま使っています。 Oui, tous les éléments textuels dans le film sont cités, des citations fidèles de notation de Sati, y compris dans, lorsque, à la virgule près ou au point près, il utilise des ponctuations un peu bizarroïdes parfois, très non conventionnelles, mais j'ai voulu garder ça aussi. Voilà. Donc ça fait partie vraiment de son écriture. Yuit, さんの最後の看板ですね。あのテキストは一応の、まあ、研究者が最後の書面にあのサティたちの3人の署名、国党とピカソの署名であの誰も入ってこなかったという内容を書いているという、まあ、そういう研究者のに基づいたもので、まあ、厳密なテキストあのサティが書いたテキストというわけではないです。 それが研究者が そのサティの初演をがどういうものだったかあの、 うん、あそういう看板が 出たっていう研究書を読んで、そうなんです。だからそれが実際サティが書いたのか、国党が書いたのか、ちょっとその辺は不明瞭です。なるほど。 La seule exception par rapport à ces différentes citations, c'est à la fin du film, il y a la pancarte qui vous explique que ce spectacle n'a pas été joué parce que personne n'est rentré dans la salle. Ça, c'est pas. Je suis pas sûr que ce soit de Sati lui-même. C'est un témoignage, c'est le résultat dans des livres de recherche sur la première présentation de 1917. On sait qu'il y a eu cette pancarte, mais on ne sait pas qui l'a écrite. Je ne sais pas si c'est Cocteau ou Sati qui a pondu ça, je ne sais pas, mais en tout cas, voilà, ça fait partie de la présentation de 1917. Je te demandais parce qu'il avait une citation qui disait quelque chose comme. Je ne sais pas qui je suis, je ne sais pas de quoi je parle, quelque chose comme ça, qui est exactement une sentence oui. que j'ai dans mon film Le Journal de Lipset, oui. exactement, et qui, je ne me souviens pas de qui vient de Lipset ou de Christophe Wilson, mais ils sont deux des personnes très violentes. Donc, Nixon ou... ouais, d'accord. J'ai beaucoup ri quand j'ai dit cette sentence. 僕は何者か分からないし、その自分の言ってることも分からないというようなくだりがあったんだけど、その思い出したのはそのリプセットの中でもあのそういう同じようなそのあのくだりがあって、それがリプセット自身のその記述なのか、ロビンソンさんの記述なのか、どちらもかなりこれも暴力的な性格の人物詩で、あれを見たときにすごい笑ったんです。 なるほど。 繋がって。 Théodore, par rapport à Michel Abel, c'est très étonnant. Je l'ai vu une première fois en 2D et je l'ai vu une troisième fois, une deuxième fois pardon, en relief tortillère pour la première fois, enfin une troisième, quatrième fois. Et j'avais l'impression, alors là aussi, de voir un film complètement différent. C'est un film qui t'a vraiment réfléchi avec cette idée de relief. C'est construit comme ça en parallèle. Ouais. Le c'est complètement différent de Gloria Victoria, et là on a quelque chose d'étonnant, notamment une simplicité. Alors, on parlait de simplicité du catalogue, de graphisme et de design, une simplicité du relief finalement. Jouer juste sur le papillon et un aplat en fait, quasiment du relief. Ce que j'essaie, c'était de construire une narration avec tous les éléments d'un film en relief, en 3D. Un film simple, mais utilisant toutes les possibilités pour rencontrer l'histoire. En fait, le relief rencontre, ça joue une rôle de narration. Parce que vous savez, quand on parle de tous les yeux, ils sont flats, ils sont plates. Donc, c'est seulement la distance qui joue. Parce que si vous fermez votre œil, ce que vous allez voir, c'est pas 3D. c'est aplati visuellement. La capacité de voir un volume, ça vient des deux yeux qui voient la même scène. Donc j'ai joué avec cette capacité ou incapacité de cerveau humain de percevoir l'image. Ce qui est pas évident, c'est qu'en effet, c'est vraiment. Enfin, moi, j'ai ressenti hier deux films. C'est-à-dire que quand je le regarde, il faut l'avoir vu au moins une fois, je pense, en relief, pour ensuite, à la rigueur, pouvoir se le recréer dans sa tête de cette manière-là et de le voir finalement en plat comme ça. Il y a beaucoup de monde qui ont vu le film en 2D, par exemple. Ils jouaient sur la télé après quand ils ont vu hier le film en 3D, ils ont dit c'est un film complètement différent. J'espère, mais l'idée, l'original du film, c'est un bordel. C'est la condition idéale dans qui le film doit jouer. Et je vais vous dire un secret. Le film existe aussi en version de réalité virtuelle, plus interactif. Je le reste à que. Le film a fini sa vie au festival. Non, mais en fait, il a les données là. Pardon, je viens de lui dire. Il a fini la part. T'es à monter les gens. Donc, on va les réveiller plus tard. Ça permettra de vivre quand même pendant les 3 ans de tournage. Je te vois la chance sur le billard. Jean-Baptiste, alors toi, t'es un peu différent, mais je reviendrai aussi pour vous deux pour ça. Est-ce que les influences, j'ai l'impression, sont quand même très importantes? C'est-à-dire que j'aime cette idée, on est beaucoup dans l'idée de création absolument originale, sans qu'il n'y ait rien d'attaché. Alors toi, ça se voit un peu moins, mais je sais que t'es quand même pas mal influencé, notamment par l'art japonais, le cinéma japonais, la manière de vivre. Et ça, c'est important de ne pas avoir que l'animation seulement, mais finalement d'emplir, on va dire, le cinéma qu'on fait, les films qu'on fait, avec autre chose que juste son arc, et par exemple, là, pour vous, l'animation. Oui, je pense que c'est un peu une évidence, c'est-à-dire qu'on est tous... là, il y a un film inspiré de Satie, enfin, directement adapté de Satie, de... je ne sais pas qui est écrit. Mais oui, bien sûr, l'inspiration vient pour moi beaucoup du cinéma japonais et asiatique. Non, mais ça va bien, t'as travaillé ta tête, je ne sais pas comment on appelle, mémoire à l'aide sale. Sur la notion philosophique de vide, qui est le mul. Voilà, qui est peut-être une notion liée à l'esthétique, notamment, qu'on connaît plus peut-être sous le nom de ma dans l'esthétique japonaise, qui est la notion, donc peut-être dans l'esthétique, on va connaître dans la peinture chinoise, par exemple, dans le vide présent entre la montagne et l'eau, etc. C'est important parce que... Encore une fois, si vous êtes tous les trois, hier on parlait justement du lien entre ce qu'on peut avoir entre beaux-arts, enfin voilà, une autre pratique, on va dire, de travail de la matière, par exemple, que celle de l'animation. Et vous, il y a, je trouve, derrière souvent des musiques très fortes de l'auteur classique, ou, parce qu'on a parlé, évidemment, il y a eu aussi l'adaptation de Kafka, bien sûr, un médecin de campagne, et j'ai toujours l'impression qu'il y a des matériaux très forts aussi derrière, l'Ipsex, évidemment, enfin voilà, c'est... J'ai l'impression qu'il y a quelque chose... Ah ouais, je voulais juste continuer par rapport à la musique, parce que c'est une notion qui existe beaucoup dans la musique, et parlait de Cage tout à l'heure, et qui était très utilisé par Cage, à la fois d'aléatoire et de silence. Et pour moi, c'est une inspiration très forte, c'est-à-dire que de peut-être faire le silence de l'image par moment, de mettre des images fortes et des images qui ne parlent pas, et laisser la place au son pour moi. Je pense que oui, bien sûr, important. Théodore, tu vois cette idée de toujours, alors notamment, je sais qu'il y en a toujours quelqu'un dans la salle, évidemment, de toujours au niveau des étudiants, il y a cette volonté vraiment d'originalité, de se dire c'est quelque chose qui vient que de moi, on va dire. Et là, à chaque fois, j'ai l'impression souvent dans les projets, il y a, là, la musique par exemple, c'est aussi une musique que tu voulais utiliser, je crois, enfin, j'ai un bout de temps, tu as fait le clip pour Démonie. ça suit réellement beaucoup dans ton travail, et pourtant ça fait évidemment des films très très personnels à la fin. Pour moi, tout ce qui compte, c'est exactement de, que les films soient personnels, qui sortent de ton cœur et de ton cerveau. Et tout finit là pour moi. Maintenant, notre époque multiculturelle, c'est en fait une époque de rencontres personnelles, d'expériences personnelles. C'est tout ce qui a de l'importance. C'est le personnel, c'est le nouveau social. Donc, par exemple, je me disais, quand tu as, j'ai un trou de mémoire, mais en tout cas, là, des créateurs de Godspeed du Black Emperor, enfin, etc., quand tu rencontres Xavier Dolan, Chris Robinson, tout ça, c'est des rencontres personnelles. C'est une personnalité très forte, quoi. David Bryant. Qui vit des conflits avec soi-même. Donc, c'est très important de rencontrer les histoires comme ça. Vous êtes sur le générique, par exemple, de l'Ipset, vous avez vos trois noms, en fait, Dolan, toi et Robinson, en fait, pareil, quoi, même endroit. C'est aussi des films qui sont à plusieurs, finalement. Pour Julien Momoura, c'est ça aussi. Est-ce qu'il y a ce, l'idée, en tout cas, d'influence de... あんまりその辺を分けて考えてないかもしれないですね。つまり本当 の子というものみたいな、これ多分日本的なのかもしれない。子ですね、個人、はい、子のこう境目っていうところっていうのが、はい、まあ、本当に断定できないんじゃないかというふうに考えています。で、オリジナルというのもある種の幻想的な概念だというふうに思いますし、はいはい、まあ、全ての人間は人間であるわけです。 はい、これはすごい大きい、すべての人間は 人間である、まあ、だから僕も人間である、みんな人間である、 はい、それが まあ、ショーペンハーワーの言葉で、まあ、この中庭で遊んでいる猫は、まあ、500年前の猫だというテキストがありますけど、まあ、やはり、まあ、人間という存在自身は、まあ、遺伝子的にこうつながっていて、じゃあそこの中での子とかオリジナルっていうのはまた別の問題かなと思います。だからもう少し大きな視点で捉えているので、まあ、僕の中でだからオリジナルとかっていうことを全然考えたことがないですし、はい、学生にもそんな指導をしたこともないですね。 はい、moi sur ces questions d'influence d'originalité, je dois avouer, je pense, enfin, j'ai jamais séparé les choses de cette manière-là, je dirais. Pour moi, la question de la frontière de ce qui forme un individu relève quelque chose d'assez indéfinissable aujourd'hui, et la notion d'originalité m'apparaît comme une forme de assez nette d'illusion, en fait. C'est quelque chose qui relève d'une chimère, et on peut, si on veut élargir le spectre et partir dans des très grandes tautologies, dire que tout, l'humanité, comment dire, tout être humain englobe l'humanité en général. C'est pour reprendre une citation de Schopenhauer qui dit « Le chat qui joue dans le jardin intérieur est un chat d'il y a 500 ans. » C'est le même chat. Voilà. Et donc, on est dans un problème qui est différent, je dirais. Pour élargir la perspective, cette notion, moi, j'ai jamais réfléchi à mon travail en termes d'originalité. J'ai jamais, j'ai jamais travaillé avec les étudiants en leur parlant de cette notion-là. Pour moi, ça n'a pas de sens. C'est le moment où j'arrête d'être égoïste et de vous tourner le dos pour ne pas vous voir si vous avez des questions. À chaque fois, j'ai des invités comme ça, je pourrais avoir encore 25 000 questions. Mais après tout, vous êtes là aussi, donc tant qu'à faire. Est-ce que vous avez des questions? Profitez-en, parce que bah, voilà, je prends un panel. Alors attendez, vous savez quoi? Je vais me balader. Je vais faire ça avec un micro. Ah, allez, merci. Et donc voilà, qui arrive. Non-direction, est-ce que tu peux dire un mot plus sur la motivation? Qu'est-ce qui a motivé cette bifurcation? Parce que ça aurait pu être un peu dans les mêmes directions, mais avec recréer, si tu veux. Qu'est-ce qui a motivé? C'est un tour classique. Oui, je comprends. Non, ça y est. Parce qu'il y a des micros dans le monde. Ah, celui-là. Ok, moi ce que je déteste, c'est des musiques pastiches. Je ne referai jamais quelque chose qui ressemble à la musique de Jimi Hendrix. Ça ne marche pas. Ça doit être original. Donc, pour cette raison-là, j'ai donné le film Muet à Anna Sokolovic et j'ai lui dit fais la musique sur ce film-là. Sans entendre la version originale. Et ce qui est intéressant, parce qu'il existe une installation, cette troisième page après le soleil, avec trois films. Les deux autres films ont été créés après la musique d'Anna Sokolovic, pas de Jimi Hendrix. Donc, c'est le vrai film. Et c'est pour cette raison-là je préfère, si je joue le film, de jouer les films qui sont créés après la musique d'Anna Sokolovic. Par exemple, ces trois livres. Celui-là, c'est la page jeune. Non, ce n'est pas la page jeune, c'est le cadre de festival. La deuxième, c'est un dictionnaire français-anglais. Et la troisième, c'est la Bible. Donc, pour moi, le film original sur cette musique-là, c'est la Bible. Ce n'est pas celui-là. Ça, c'est comme, ça joue à côté d'autres. D'ailleurs, juste un petit passage, j'ai rien de son nom, mais vraiment, travailler avec quelqu'un, tu avais fait un film pour Yannick Seguin, je suis désolé, je crois qu'il a... Oui, Yannick Mézot Seguin. Voilà, qui est un chef d'orchestre assez jeune, et qui d'ailleurs va bientôt chef d'orchestre aux États-Unis, non, je ne sais pas, il a... La nouvelle, qui va devenir le prochain directeur musical de Met, Metropolitan Opera, Yannick Mézot Seguin. Donc, c'est une grande nouvelle pour lui. Et puis, je trouvais que c'était un travail très, très intéressant, exceptionnel, parce qu'en fait, j'ai fait l'interview entre deux séances avec l'Orchestre Symphonique de Montréal, dans l'entrée. Et c'est pour ça que le film s'appelle Non Intermission, pas d'entracte, sans entracte. En fait, c'est l'entracte dans lequel je l'ai enregistré parce qu'il est très chargé. Il n'a eu pas de temps, mais on a eu 8 mois pour finir le film. C'était super. J'ai mis toute l'énergie que j'ai sentie de lui, de ce film-là. J'étais assez libre. Et quand il a vu le film, il a dit c'est exactement moi, ça. C'est le meilleur portrait que je peux avoir. La question elle s'adresse un petit peu à tous les trois, mais quand on décide de construire un film d'abord à partir d'une bande sonore, comment vient l'idée du choix de la technique ? c'est très facile pour moi. Quand j'entends une musique, je vois immédiatement la technique. Je ne réfléchis pas, je ne cherche pas, j'écoute la musique et c'est tout à coup punk. Je l'ai déjà. Le film est là, construit, et monté et dessiné. Il faut que je m'assoie. Mais je suis tout à fait d'accord avec Théodore sur le ciel de la musique. C'est un peu une réaction automatique. シネステジアというもので、つまりシネステジアのあれですね、音互換が関連してて音楽を聴いてイメージが生まれる。僕はまあでもそれはプロジェクトによるというところがありますね。例えば本当に純粋なミュージッククリップだと、 音楽からのイメージとかも当然出てきますし、もちろん自分の作品だとそれほど迷わずにイメージは確かに湧きやすいですけど、まあ、とはいっても例えばアニメーションなどでいろいろテクニック他の動かしたりとか、まあ、色をつけたりとかいろんな問題も出てきますので、それも合わせて最終的にそのマチエールとか画材というものは、まあ、ある程度僕は試行錯誤の後に出てきます。他のいろんな要素からの関係 Alors ça dépend bien sûr aussi des contextes. Ça, pour une commande qui sera un vidéoclip, évidemment, je pense que l'image mentale qui vient de la musique sera l'élément central, très clairement. Même, mais dans mes propres films, mes propres productions donc, personnelles, En général, effectivement, il n'y a pas de grande hésitation, il n'y a pas, y a pas de, de part d'ombre, de part comme ça indéterminée au départ. Mais l'animation étant ce qu'elle est, il y a aussi effectivement une part dans le processus même de la création au niveau moins de la technique que peut-être de certains aspects comme le travail de la couleur, le rendu, la matérialité de certains rendus. Des choses qui viennent effectivement au cours du processus également et qui viennent s'agréger, je dirais, à l'image. Qu'est-ce qu'il y a ? On va pas tarder à manger. Mais qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'il y a ? Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Sachant qu'il faut une question, évidemment, l'idée de comment on travaille sur la musique avec le storyboard, l'animatique, est-ce qu'on reste proche ? C'est toujours une problématique, en fait, de se dire avec le son, est-ce que je vais être encore une fois une répétition, un travail comme ça ? Mais peut-être que vous avez d'autres questions. Une dernière. Non, pas de question dans la salle. J'ai même mon ratata au chef, j'en ai expliqué. Vous avez des questions, je sais que c'est un peu. Hein ? Alors, ils sont à oui, bien sûr. Juste alors, dernière question, parce que vous n'avez pas de questions forcément dans la salle. Est-ce que on a parlé tout à l'heure de ton nouveau projet, on peut parler juste un petit peu, savoir si de manière très la plus générale, si vous avez déjà des nouveaux projets, si comment on travaille, et bon voilà, peut-être un peu plus de manière un peu plus générale. 去年の、まあ、年末からこの3月、1年、去年じゃないな、一昨年の12月から、今年の1月に完成したんですけど、今ちょうどその2年前の年末ぐらいからもう2本、並行して作り始めています。まあ、今サティが終わったので、残りの2本に集中しようと思っています。1本は、まあ、今日のテーマとも関係ありますけど、まあ、フランスの現代音楽家キャサリンさんという方からの依頼で、これはかなりテーマがはっきり決まった上で、アニメーション音楽のコラボレションという形で、今、まあ、4分ぐらいできているところですね。で、もう一つはアニマテックスぐらいまでできてますけど、まあ、全部で15分ぐらいになってますけど、まあ、3分の4、3分の1ぐらいできてる感じ。もう一つはダズンノースという、これはまあ、ダズンノース。 はい、ダズンというタイトルで、これはテキストも僕が書いていて、絵柄も完全にオリジナルのものですけど、そうですね、これはたまたまサティの音楽を演奏した グレグ・ブロイカーの彼のオリジナル曲を使って、アニメーションを作っています。これがちょっとまだ長さ、今とりあえずアニマテックス第1弾ができてる段階ですけど、最終的にどのような長さになるのかちょっとまだ未定です。なるほど。あの、j'ai travaillé sur le parade donc le Satie, j'ai commencé à la fin 2014 en décembre 2014 et j'ai fini en janvier, donc j'ai passé un peu plus d'un an sur ce film là. Pour le terminer, et donc j'avais en fait deux autres projets en parallèle depuis donc un peu plus de depuis la fin 2014, donc maintenant je vais me concentrer sur les deux restants. Et donc il y a un projet qui est en fait en lien avec la France, qui est une demande qui m'est venue d'une compositrice contemporaine française, avec une thématique assez claire, une collaboration donc entre musique et animation pour un film qui devra durer une quinzaine de minutes. J'ai déjà animé à peu près 4 minutes dessus, donc je continue là-dessus. Et l'autre projet, qu'on a tous, est la douzaine de Nord. Alors ça a l'air un peu, ça résonne comme un peu une écriture automatique. C'est l'idée d'une multiplicité de Nord. Il y a un faisceau de direction du Nord. C'est un texte que j'ai écrit. L'image n'a pas de matière, n'a pas aussi de matériau premier, donc c'est quelque chose qui, voilà, à quoi je travaille sans me baser sur un matériau originel. Il s'agit donc le film aura pour bande sonore donc un autre morceau de Willem Breuker, donc le même fameux musicien hollandais. C'est une composition originale, c'est pas aussi quelque chose qui est adapté d'autre chose, c'est une musique qui est de lui, et j'en suis, donc j'ai un animatique, donc première version vidéo très préparatoire, mais la durée du film n'est pas encore déterminée. Théodore, toi donc, ce film en prise de vue, donc, qui est tiré d'un omnibus, il y aura un omnibus, un court-métrage à intervalle de plusieurs. Ce film sera fini en 2017. Il va s'appeler 8 minutes 19 secondes. Donc, ça c'est le vieux réel, le film. Et l'autre, c'est le film d'animation sur qui je travaille. Il s'appelle La physique de la tristesse, qui est basé sur le roman de Georgi Gospodinov qui s'appelle La physique de la mélancolie. Sorti en France aussi. Si ça vous tente, ce livre, il faut le lire absolument. C'est génial, c'est super. C'est la prochaine Marquez ou Cortázar de littérature mondiale. Montre une part de ce livre-là, mais je l'ai incorporé avec les histoires personnelles. Donc, je vous dis certaines constructions et moments du livre pour raconter une histoire propre, personnelle à moi. C'est ça, le projet il va sortir en 2019. Et donc le travail là avec Angostic, évidemment, moi j'étais un tout petit peu impressionné parce que ça peut se refroidir rapidement, on va dire, donc il faut vite travailler, on va dire. Il y a une énergie, on va dire, du mouvement, et du geste qui est très important. C'est un travail extrêmement physique. Pour cette raison, je ne peux pas travailler longtemps. Donc, je le fais pas à pas. Genre, je travaille 2 mois, après ça, je vais faire poser, après ça, 2 mois. C'est dur pour le dos, pour la main aussi. C'est vraiment physique. Je vous promets, je vous amènerai des photos, quelques photos à demain, promis. Parce qu'on sort de l'ENSAT, ça y est, t'es sorti le film. Tu as des projets déjà, je sais que tu as déjà fait. Oui, je travaille sur un projet en co-réalisation avec une amie en ce moment. Donc on est à la phase de développement encore pour le moment. Et sinon, j'ai d'autres projets qui sont plus en gestation. Écriture entre guillemets. Voilà. On va presque pas terminer en retard. Je vais juste passer un tout petit film. On va baisser l'image. Merci. Juste 4-5 minutes. Mais déjà, évidemment, avant de voir le film, donc, qui s'appelle Monkey de Chenji, celui qui avait fait Horse. Donc, voilà, vous allez voir plein de choses qui vont bouger, etc. Mais évidemment, merci infiniment à tous les trois et Yann pour être venus.